Il y a un fou en liberté dans la ville. C'est pas du gâteau de travailler avec un gars dans mon genre. Je suis pas né dans la street, j'ai des couilles à mon père. Impulsif de nature, j'ai un sale caractère. Un lion dans la brousse, un ange pour ma mère. Si tu touches à la mif, t'es chicot que tu perds. T'es tu comme un tueur, va pas croire que j'exagère. Je suis comme la vie d'un 6 gros sur le terre-terre. On avance, on avise, on gère nos affaires. La famille, la musique comme point de repère. Rien à foutre des critiques et tous tes commentaires. Ton peura, c'est de la dope, un vrai camembert. En deux, faut qu'on monte, c'est ta sauce. On éveille l'esprit, les refrains, des cistas. Je reste le même dans mon rap comme dans la vie. Dans la merde y'a plus personne, c'est le daron qui me l'a dit. Le rap c'est pas ça qui nourrit mes gosses. Y'a pas le choix, faut que je roule ma bosse. BAB, RAD, c'est mon plat, je l'épelle. Une voix atypique et des punchlines à l'appel. BAB, RAD, c'est comme ça qu'on m'appelle. BAB, RAD, c'est mon plat, je l'épelle. Une voix atypique et des punchlines à l'appel. BAB, RAD, c'est comme ça qu'on m'appelle. J'attends plus le bonheur, la chance, il y a longtemps qu'il m'a zappé. Au bord de la route avec mes doutes, c'est dans la mouise qu'il m'a laissé. Le béguin pour l'écriture, ça fait 10 piges que j'ai chopé. Prends mes freestyles en 2004, on s'associe avec Pompé. Une petite pièce avait son père, à part Mathilde pour m'écouter. Pendant des heures, rappé en boucle, les mêmes phases, les mêmes couplets. Pour ma place dans la musique, sur un coup de tête, je pourrais bien tout lâcher. Le travail, le pleurail, loin d'ici, m'évader. Le Wack MC relique mon flow, comme si c'était le bout d'une tasse. Au microphone, c'est garanti, toujours frais comme Adidas. Mais c'est pas bras, tu peux m'appeler. Agenda, ça coule lyrique, sac satif, la concurrence attrape la chasse. Ma mère, plus d'une fois j'ai bu la tâche, j'ai gardé le sourire quand dans ma vie c'était l'impasse. Dans ma mère, plus d'une fois j'ai bu la tâche, j'ai gardé le sourire quand dans ma vie c'était l'impasse. BAB, RAD, c'est mon plat, je l'épelle. Une voix atypique et des punchlines à l'appel. BAB, RAD, c'est comme ça qu'on m'appelle. BAB, RAD, c'est mon plat, je l'épelle. Une voix atypique et des punchlines à l'appel. BAB, RAD, c'est comme ça qu'on m'appelle. C'est la chic, c'est pas la guerre, on fait tes chakras quand je déblatère. C'est du babrade, quoi qu'il arrive, ça restera toujours sincère. Comme les larmes, c'est clochard qui meurt de froid chaque hiver. Sort de l'âme, de mes tripes, de mon cœur, de mes viscères. Ça me ronge de l'intérieur, un petit feu comme un ulcère. Thérapie, c'est la musique, c'est apprécié, j'en suis ravi. 44 000 fois tout terrain, car le pleura, c'est du rallye. Sur la mesure au millimètre, on donne pas dans le gâchis. On fait les diètes aussi secrètes qu'un résistant dans le maquis. Avec la foi, la conviction, c'est nos vies de chien que l'on décrit. Naturellement, c'est artifice, ma seule arme, c'est mes écrits. Ravale ta haine, y'a que du will dans mes récits. Seum dans mon phrasé, des lyrics qui font mouche comme une gauche bien placée. Du roro véritable, pas de toc ni de plaqué. Sur la prod à Jump, c'était un plan que j'ai braqué. BAB, RAD, c'est mon plat, je l'épelle. Une voix atypique et des punchlines à l'appel. BAB, RAD, c'est comme ça qu'on m'appelle. BAB, RAD, c'est mon plat, je l'épelle. Une voix atypique et des punchlines à l'appel. BAB, RAD, c'est comme ça qu'on m'appelle. Difficile, pour un morceau, de décrire qui je suis. Pourquoi je rappe, pourquoi j'écris, pourquoi je pleure, pourquoi je vis. Tant de questions sans réponse, l'avenir, un nuage de fumée dans lequel je m'enfonce. Pas bras, opé, culturel, phrase. J'ai job, j'ai sorry, Milchère. BAB, RAD, c'est mon plat, je l'épelle. Une voix atypique et des punchlines à l'appel. BAB, RAD, c'est comme ça qu'on m'appelle. BAB, RAD, c'est mon plat, je l'épelle. Une voix atypique et des punchlines à l'appel. BAB, RAD, c'est comme ça qu'on m'appelle. Il a marqué un point, qu'un point, qu'un point, qu'un point.